complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Marc Chaunet à l'animation et Bruno Côté au choix musical et à la mise en onde. Réalisation, il nous a préparé un spécial sur, on va voir d'abord, premier bloc, un spécial sur Prague Exhibition, les 40 ans de musique imaginative. C'est un projet italien, alors sur ça, il y a des groupes italiens, des nouveaux groupes, et il y a également des grandes figures du rock progressif des années 70 qui accompagnent ces groupes. Il y a des groupes des années 70 également. Alors, on va débuter avec La Maschera di Cera, avec Fabio Zuffanti. Vous saviez que Fabio a annoncé récemment qu'il quittait La Maschera di Cera, mais ça va sûrement continuer, d'après moi, sans Fabio. Mais quand même, c'est un gros groupe pour Fabio, là, depuis un groupe qu'on a beaucoup fait jouer à l'émission. Donc, c'est sur cette. Donc, c'est tout en spectacle enregistré. Il y a deux pièces, La Confusione et La Maschera di Cera. Ça, c'est donc pour La Maschera. Et ça sera suivi de Periferia del Mundo. Periferia del Mundo, et on aura la pièce The Ghost in the Shell, et ensuite on poursuit avec, c'est en fait, c'est comme si c'était Léormé, hein. Il y a Aldo Tagliapietra avec David Cross de King Crimson, le violoniste de King Crimson des années 70, sur la pièce intitulée La Porta Chiusa. Donc on y va tout de suite, La Maschera di Cera, Periferia del Mundo, et nos amis David Cross et Léormé. Thank you. circonda, lei desidera, lei mi ucciderà. Lei non sbaglia, lei non fa rumore ed accelera e mi domina. E io perdo la coscienza tra le onde, la sua verità non mi libera e il mio mondo crolla nel pensiero. Luce senza età, buio e tenebre, luce senza età. Maurizio Di Tollo! Basso e cori! Fabio Zuffanti! Tastiere! Agostino Macor! Flauto! Andrea Monetti! Chitarre Matteo Nahum! Voce Alessandro Corvaglia! Ma lei mi circonda, lei desidera, lei mi ucciderà. Lei non sbaglia, lei non fa rumore ed accelera e mi domina. E io perdo la coscienza tra le onde, la sua verità

Top of the hill, playing like a child with a firefly. This is the net, it's endless and wide. non sai chi sarà. La Porta Chiusa, c'est interprété par Aldo Tagliapetra avec Tony Pegliacca et Tono Larkin, David Cross. Et c'était donc une pièce de Léormé. Il y avait eu juste avant Periferia del Mundo, un groupe italien qui a réalisé 4 albums. Et c'était leur pièce The Ghost in the Shell, interprétée en spectacle dans le cadre donc de Prog Exhibition, 40 ans de musique imaginaire. Il y a 7 CD, 3 DVD, 4 DVD. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc on a plein d'images, on a de la musique, il y a des choses différentes dans l'audio par rapport aux vidéos. Et alors on reviendra là-dessus en fin d'émission, il y a un petit concept autour de ça. Alors on va y aller avec une pause. Au retour, on aura Asia Minor, tiré de l'album Between Flesh and Divine. Ça, c'est un excellent disque du rock progressif, qu'on pourrait dire du renouveau du rock progressif après les années 70. On aura Nemo de la France, un extrait de Barbare, et également District 97 des États-Unis, leur plus récent album Trouble with Machines. Alors on y va en pause et on revient tout de suite en musique avec Asia Minor. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Salut, c'est Mariem. Du 17 au 27 juillet, je vous invite au Festival des Journées d'Afrique. Québec vibrera au son des rythmes chauds et endiablés à la Place d'Yeovil, l'Impérial de Québec et le Cercle. Des artistes émergents et de renommée mondiale tels Kashkai les Saltimbanks, Naila, Shawit, Kumbacha et plusieurs autres. 11 jours de danse, de musique du monde, d'ateliers et d'animation pour toute la famille. Rendez-vous sur festivaljournéesd'afrique.com pour l'ensemble de la programmation. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. Québec.

Thank you. she had her mother's features. Life had so much to teach her. I couldn't. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10 $, deux pour 15 $, trois pour 20 $, jusqu'à épuisement complet. Hé hé. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... A Barbecue, Dawn of the Planet of the Apes 3D, My Sweet Pepperland, Nos Étoiles Contraires, The Fault in Our Stars, La Vie Domestique. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation... Barbecue, La Vie Domestique. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur residenceleportail.org. C-K-R-L Cultive tes goûts. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Et c'est le choix musical de Bruno ce soir. On vient d'entendre District 97 des États-Unis, tiré de leur plus récent album Trouble with Machines, la pièce de Thief. C'était précédé de Nemo, le groupe français Nemo, tiré de l'album Barbare, la pièce LDI. Et on avait débuté avec Asia Minor. Alors, troisième bloc maintenant, on continue en italien avec un nouveau groupe, Il Giardino Onirico, tiré de leur premier disque, Perigeo, ce sera la pièce éponyme, et du Québec suivra le groupe Eliphaz et leur premier disque, la pièce Les lieux de mémoire, tirée de l'album Le Royaume des Poussières. Alors on y va tout de suite avec Il Giardino Onirico sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Evaporano le essenze paradisiache di questa notte. Quasi non fosse reale se riflette la tua ombra su di me. Potrei vederti risplendere di più, ma una luce mi impedisce di osservare, di guardare oltre flebili balline. Si riflettono le essenze. Lungo le strade che portano altrove, si insidia un gioco perverso. Troppo perverso. Stabile l'inganno, continua a fascinare, ottiene lo slancio e permette l'accordo di insane ambiguità. Disgustose amenità. Doveva accadere prima o poi, di svegliarmi. Dormi ancora. E non riconoscermi più. Thank you.

buio delle nuvole. Era ancora intorno a me. Poi all'improvviso dentro di me un oceano di luci. Così tante in una volta sola, non le avevo viste mai. grazie. Allora, il pezzo del 1972 si chiama La porta chiusa. Fabri Chiarelli, Angelo Perini, Fulvio Pirico. Thank you. C'était le groupe allemand Crystal Palace, tiré de leur plus récent album The System of Heavens et la pièce Beautiful Nightmare. Et juste avant, tiré de Prague Exhibition en spectacle, il y avait le groupe pardon, légendaire de Trip qui avait fait interpréter Distribuzione et Il Vuoto. Il y avait également eu Aldo Taglia Pietra de la formation Les Ormes avec David Cross qui avait interprété Los Angeles. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Hein? Le choix musical excellent de Bruno, qui nous a fait passer deux belles heures de rock progressif. Merci Bruno pour le choix musical. C'était également Marc Chaunet avec vous à l'animation. Alors, restez des nôtres à l'antenne de CKRL. C'est l'émission. Hein? Il y a toujours de la bonne musique qui joue sur les ondes de CKRL. Alors, Jacques Dulac, Vincent Delisle sont avec vous pour l'émission L'Autoroute dans quelques instants. Alors, on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. CD Méloman, c'est la plus grande surface de disques neufs et usagés à Québec. C'est aussi la référence en termes de musique. Pour ceux qui cherchent la musique en tout genre ou des pièces de collection, c'est la place. Vous trouvez plein de vinyles, CD, cassettes, tapes tournantes, amplis, lecteurs cassettes. On fait aussi le resurfaçage de CD, sans oublier notre service de transfert de vinyles sur CD ou de vidéos sur DVD. Faites revivre vos tables tournantes avec nos accessoires disponibles en magasin. CD Méloman, le disquaire où l'on fait de belles trouvailles. Au 248 rue Saint-Jean à Québec, 88-525-1020. CKRL 89.1. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89.1. Wow, j'embarque. Thank you.